Petit colibri n'a pas peur, petit colibri n'a pas mal, petit colibri n'a pas tort, l'incendie deviendrait tornade. Yeah. Petit colibri voit beaucoup plus loin que le bout de son bec, mais il sait qu'il ne sauvera pas la planète à lui tout seul, que changer le monde doit commencer par se changer soi-même, qu'elle a pas besoin d'être balèze pour qu'on la suive la boussole. Alors il vole contre vents et marées, quitte à braver le danger sans qu'il y a plus grand chose qui l'arrête. Quand on se moque il en rigole, ils comprendront trop tard et lui continue de se bagarrer. Y'a pas de solution qu'apparaisse au problème tant qu'on s'y colle pas, même si l'action peut paraître inutile quand on l'isole. Bah plusieurs c'est pas pareil, dans mon ciel une clé de sol. Ma chanter petit oiseau, laisse pas brûler la forêt. Regarde comme ils l'ont rendu sale. Comment faire face à ce massacre et faire comme si je l'ignorais. Je te dis direct, crois pas qu'il va m'apeurer le feu. Quand on aura touché le fond, je partirai tranquille en me disant qu'au moins ma part j'aurais fait. Petit colibri n'a pas peur, petit colibri n'a pas mal, petit colibri n'a pas tort de se sentir plus libre ou de sortir son calibre en ne s'arrêtant pas à sa taille. Petit colibri apporte son barreau à l'échelle, sa pierre à l'édifice, car ça lui paraît normal. Il peut voler mais peu importe, il sait qu'ils n'ont pas tous des ailes. Si tous faisaient comme lui, l'incendie deviendrait tornade. Colibri n'a pas peur, petit colibri n'a pas mal, petit colibri n'a pas tort de se sentir plus libre ou de sortir son calibre en ne s'arrêtant pas à sa taille. Petit colibri apporte son barreau à l'échelle, sa pierre à l'édifice, car ça lui paraît normal. Il peut voler mais peu importe, il sait qu'ils n'ont pas tous des ailes. Si tous faisaient comme lui, l'incendie deviendrait tornade. Colibri n'a pas peur, petit colibri n'a pas mal, petit colibri n'a pas tort, ça lui paraît normal. Petit colibri n'a pas peur, petit colibri n'a pas mal, petit colibri n'a pas tort, l'incendie deviendrait tornade. Petit colibri n'est pas si con, petit colibri n'est pas idiot. Il sait très bien que deux gouttes d'eau vont pas freiner ce bras zéro. Mais il y va, il revient, il y retourne sans fléchir. À chaque fois, pour presque rien, il fait son taf sans réfléchir. Des yeux l'observent, des rires fusent parfois. Allez-y, marrez-vous, foutez-vous de moi. Vas-y Croco, vas-y Rhino, vas-y Dumbo ou Bonobo. Rigole bien dans ta crinière, soi-disant roi des animaux. La forêt brûle, brûle. La forêt brûle, brûle. Voici ma peine, ma petite pierre, mon grain de sel, ma goutte d'eau, et si chacun mettait la sienne. La forêt brûle, je fais ma part, faites la vôtre, la forêt brûle. Et je sais bien, comme dirait l'autre, que si tout seul on va plus vite, sûr qu'à plusieurs on va plus loin. Et si certains doutent m'habitent, sûr que je suis moins con qu'un nid. Colibri n'a pas peur, colibri n'a pas mal, petit colibri n'a pas tort de se sentir plus libre ou de sortir son calibre en ne s'arrêtant pas à sa taille. Petit colibri apporte son barreau à l'échelle, sa pierre à l'édifice, car ça lui paraît normal. Il peut voler mais peu importe, il sait qu'ils n'ont pas tous des ailes. Si tous faisaient comme lui, l'incendie deviendrait tornade. Colibri n'a pas peur, petit colibri n'a pas mal, petit colibri n'a pas tort, ça lui paraît normal. Petit colibri n'a pas peur, petit colibri n'a pas mal, petit colibri n'a pas tort, l'incendie deviendrait tornade.